16e chapitre. Quilliec à Douarnenez. Pendant que ces misères et ces crimes désolaient la Cornouaille, Henri IV assiégeait Amiens, occupé par les Espagnols. Alors Mercœur, persuadé que le Béarnais échouerait devant cette ville, répandit la nouvelle que le roi était atteint d'une maladie incurable causée par le chagrin. Le duc voulait déconcerter les royaux qui se trouvaient en Bretagne et ramener à lui ceux qui avaient déserté sa cause à peu près ruinée. Mais le roi, dans une lettre qu'il adressa aux principaux seigneurs bretons, démontra facilement l'absurdité de ces bruits mensongers. Mercœur, furieux, ne garda plus aucune mesure et fit voir par tous ses actes que c'était bien à la souveraineté de la Bretagne qu'il aspirait. Profitant donc de la faiblesse du maréchal de Brissac, qui n'avait sous ses ordres que 1500 soldats, il envoya ses lieutenants ravager tout le pays. Mais ses officiers ne s'en tinrent pas là. Ils se jetèrent sur l'Anjou et la Touraine qu'ils dévastèrent. Cependant, Mercœur, malgré tous ses efforts, ne prit aucune place forte dans cette campagne. Au contraire même, il ne fit qu'affaiblir ses forces dans ses diverses attaques. Sur ces entrefaites, Henri IV, voulant en finir avec La Fontenelle, écrivit à Sourdéac que le moment de reprendre sa revanche était venu et qu'il lui donnait l'ordre d'aller au plus tôt mettre le siège devant Douarnenez. Sourdéac, désireux de se venger de l'affront qu'il avait reçu, appela à lui de Molac avec les garnisons de plusieurs villes de Bretagne. Quelques jours avant l'arrivée des royaux devant le fort, un homme y débarquait et se faisait conduire dans la chambre où La Fontenelle était en conférence avec de Romard. Il y avait déjà quelques minutes que l'étranger avait été introduit en leur présence, et cependant les deux chefs ligueurs y avaient à peine pris garde, tant leur préoccupation était grande. En ce moment, ils s'entretenaient tous deux de l'expédition de Sourdéac. Cependant, La Fontenelle, venant à attacher ses regards sur le nouveau venu, s'écria d'une voix forte et sévère. « Qu'est-ce donc ? Et que voulez-vous ici ?» Celui à qui ces questions étaient faites s'avança alors plus près. « Comment se fait-il, seigneur capitaine, dit-il, que vous m'ayez si vite oublié ?»« Tiens, mais c'est Quilliec ! » s'écria de Romard. « Oui, moi-même, l'ancien soldat de Guéder, mon maître !» En entendant ces mots, celui-ci, jetant les yeux sur les traits farouches de Quilliec, reconnut parfaitement bien son ancien compagnon d'armes. « Que t'est-il donc arrivé, Quilliec ? » demanda-t-il. « Et comment as-tu pu ainsi abandonner ta taverne pour venir visiter tes amis ? Je te l'avoue, je ne m'attendais pas à te voir si tôt des nôtres, car tu avais déclaré à de Romard que tu ne reviendrais vers nous que lorsque ta fortune aurait été faite. « Oui, capitaine, tel était mon projet, mais M. Sourdéac en a disposé autrement. « Comment donc ? » dit La Fontenelle. « Le sournois se mêle-t-il de tout à présent ? Puisqu'au lieu de s'occuper de son château et de ses sièges, il ne craint pas de descendre aux affaires d'un pauvre tavernier, bien innocent, qui ne lui a jamais fait de mal ?»« Innocent tant que vous voudrez, » répartit Quilliec en faisant la grimace. « Mais malheureusement, j'avais beaucoup d'envieux à Brest, et la grande réputation de ma taverne, la mieux achalandée de la ville, a été cause des dénonciations qui ont été faites contre votre serviteur. » Quoi ? Vraiment ? Tu aurais été dénoncé ? Dit de Romard. Quels sont donc ces dénonciateurs ? Des soldats de la garnison qui me devaient de l'argent et auxquels j'ai eu la hardiesse de le réclamer. Il est vrai qu'en même temps, je les menaçais de porter plainte contre eux s'ils tardaient encore à s'acquitter. Furieux de ma réclamation, et sachant qu'autrefois j'avais servi Monseigneur La Fontenelle, ils sont allés trouver le gouverneur avec quelques pêcheurs de Douarnenez qu'ils ont eu soin d'acheter. Ils m'ont alors déclaré qu'ils étaient certains que j'entretenais journellement des intelligences avec l'île Tristan et que, déjà sans doute, vous deviez avoir été informé de la nouvelle expédition qui se préparait. Bien heureusement, j'ai été averti assez à temps de ce qui se tramait par un poissonnier en partance pour Douarnenez. Aussitôt peu confiant dans la clémence de Sourdéac, j'ai mis sur le bateau de ce pêcheur tout ce que j'avais de plus précieux et suis parti de Brest au milieu de la nuit. Mais hélas, je laisse après moi ce que j'aimais le plus au monde, ma chère taverne et mes bonnes pratiques. » En prononçant ces dernières paroles, Quilliec poussa un long soupir et parut livré à un profond chagrin. « Allons, mon cher Kiliek !» s'écria la fontenelle. « Il faut chasser cette tristesse qui n'est bonne à rien et reprendre ton ancien cœur de soldat. Il est nécessaire maintenant que tu changes d'allure. Si tu as perdu à Brest l'occasion de faire fortune, sois sûr que tu la retrouveras à l'île Tristan. Ne te souviens-tu plus des courses que nous fîmes ensemble autrefois et de la large part que tu avais au butin? Eh bien, toutes ces affaires auxquelles tu as assisté ne sont rien en comparaison de celles que je médite, si toutefois Mercœur tient encore quelques années le parti de la Ligue. Je te le répète, tu n'as point perdu en quittant ta taverne, car le métier de soldat que tu vas faire avec moi est bien autrement lucratif que celui d'hôtelier. Courage donc ! Pour commencer, dans peu de jours, tu vas pouvoir te venger de Sourdéac. Bien certainement, si tu n'avais pas pris le sage parti de t'enfuir, à l'heure qu'il est, ton corps se balancerait au bout d'une corde et ton supplice eût servi d'amusement à tes bonnes pratiques de Brest que tu regrettes tant. Je le crois comme vous, seigneur Eder, et si j'avais tardé à décamper, j'étais arrêté, jugé et mis à mort. Du reste, ce n'est pas la première fois que mes menées ont été découvertes et dénoncées au gouverneur. C'est surtout depuis le jour où M. de Romard est descendu chez moi que j'ai été surveillé de près. J'ai su bientôt que les maudits pêcheurs qui accompagnaient le lieutenant dans son voyage avaient affirmé que vous-même, capitaine, vous vous rendiez souvent à Brest et que toujours vous veniez loger dans mon hôtellerie. « Comment, ces misérables qui nous semblaient si dévoués ? » s'écria de Romard. « N'ont pas craint de proférer de tels mensonges et de trahir lâchement notre cause ?» Ils l'ont fait, lieutenant, mais ils ont été punis. Depuis cette dénonciation, deux sont morts du mal jaune, et le troisième, je ne l'ai jamais revu. Maintenant, on ne peut plus se fier à personne, dit la fontenelle. On ne rencontre partout que des traîtres. Encore, si on parvenait à les découvrir, il y aurait plaisir à les punir et à les torturer. Mais ceux qui nous trahissent sont des hypocrites si habiles que nous les confondons avec nos meilleurs amis. Oui, de Romard, ajouta-t-il avec violence. Sans les fourbes que nous nourrissons, qu'un père serait à nous, et jamais ses habitants n'eussent été avertis de nos projets. » Le nom de Quimper sonnait mal aux oreilles du lieutenant. Il ne répondit rien et se contenta de concentrer sa colère en lui-même. « Mais malgré les traîtres qui sont parmi nous, » poursuivit Guy Eder, « je prétends encore chasser loin de ces rivages Sourdéac et les orgueilleux capitaines qui l'accompagnent. J'en ai la conviction, les royaux, fussent-ils 20 000, ne parviendront point à me déloger d'ici. Qu'ils prolongent leur blocus tant qu'ils le voudront. Ils ne me trouveront plus en défaut. J'ai pris mes précautions. Et il y a longtemps que j'ai songé à munir l'île Tristan de provisions de guerre et de bouche. Depuis que je vous ai averti de leur projet, dit Kiliek, ils ne peuvent tarder à être en mesure de se présenter devant Douarnenez. Qu'ils viennent donc, capitaine, ajouta-t-il d'un air féroce. Je leur tiens rancune et vous pouvez compter sur moi. C'est bien, mon brave Kiliek, s'écria joyeusement la fontenelle en lui tendant la main. L'hôtelier la saisit avec force et la pressa quelque temps avec une sorte d'orgueil. Puis, après s'être incliné, il alla se mêler aux soldats de la garnison dont il faisait désormais partie. 3 jours après, on aperçut les royaux s'avançant avec leur artillerie sur les hauteurs de Douarnenez. Au bout d'un mois, Sourdéac fut encore contraint de lever le siège de l'île Tristan. Toutes ses attaques furent infructueuses. Le village de Tréboul fut entièrement brûlé par Guy Eder, et dans cet incendie, le capitaine Magence, qui était venu avec sa compagnie au secours des alliés, tomba sous les coups du terrible Kiliek. À cette occasion, la ville de Quimper ne fut pas ingrate et se ressouvint de l'éminent service que lui avait rendu Magence. Quoiqu'il fût étranger au clergé, elle le fit inhumer dans l'intérieur de sa cathédrale. Peu de jours après, l'armée royale commandée par de Molac en vint aux mains avec un corps de ligueurs qui venait secourir la fontenelle. Ce combat eut lieu en face du superbe château de Kimmerch, près Banalec. La victoire fut indécise et ne demeura à aucun des deux partis. À l'époque où ces événements se passaient en Bretagne, Henri IV s'emparait d'Amiens. Là, il eut la douleur de perdre Monsieur de Saint-Luc, qui fut tué au moment où il regardait entre deux gabions. La prise d'Amiens déconcerta particulièrement Mercœur, qui espérait beaucoup voir le roi échouer devant cette ville. Pendant ce temps, la flotte que les Espagnols avaient envoyée sur les côtes de Bretagne fut entièrement détruite par une tempête. Au moment même où Sourdéac arrivait au Conquet pour s'opposer à leur descente, leur caravelle se brisait sur les rochers de la plage. Ce désastre fit enfin ouvrir les yeux à Mercœur, et il songea qu'il fallait faire sa soumission. Il essaya d'abord un rapprochement et fit proposer le mariage de sa fille avec César, fils naturel du Béarnais. Le roi, ne pouvant cette année venir en Bretagne, refusa cette proposition, mais il offrit au duc une trêve que celui-ci s'empressa d'accepter.